Section 21 de la lecture. Tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Élise. La lecture. Tome 7e. Section 21. Lecture par Théodore de Banville. Oh, quelle volupté! Lire. Entendre, oubliant nos mots, tous les frissons de la lyre, exprimés avec des mots. Et regarder les estampes quand voltige et tremble un peu sur la blancheur de nos tempes, le rose reflet du feu. Sans les tout préparatoires, le livre doux et charmant nous raconte des histoires, mais silencieusement. Les caractères en foule s'en vont d'un pas leste et fin, et les contes se déroulent comme une étoffe sans fin. Nous voyons les belles phrases, construites selon nos vœux, nous montrant des chrysoprases dans les ors de leurs cheveux. Et menant la mascarade sous les rubis indiens, les mots qui font la parade sont tous des comédiens. L'un que la louange flatte apparaît tout radieux, portant la pourpre écarlate, il fait les rois et les dieux. Tel qui parmi nous émigre, nous vient du pays latin, et tel autre est comme un tigre, plus rayé que mes étains. Quelle joie auprès de celle dont le regard plein de jour, même dans l'ombre étincelle, lire des strophes d'amour. Mais lire est plus doux encore lorsque le temps, envieux, avec sa neige décore notre front devenu vieux. Alors, penché sur son livre, le vieillard qu'on trouble en vain dit à l'archer toujours ivre « Je ne bois plus de ton vin. » C'est fini, des soins moroses, je n'effeuille plus le lys, ni de rougissantes roses pour Sylvie et pour Phyllis. Sans colère, il dit Aminte, cruel au front pâli, aiglé et fier Aminte. Ne fredonnez pas, je lis. Il dit chez moi, je n'accueille ni Lisette ni Lison. Il n'est plus temps que je cueille des violettes. Lison. Fin de la section 21.